La bombe A, la bombinette, comme disaient les adversaires du général de Gaulle. La semaine passée, M. X a raconté la naissance de notre arme nucléaire. Une naissance difficile et parfois tumultueuse. Ainsi, la quatrième bombe expérimentale gerboise verte, avant d'être tirée dans le désert du Sahara, a failli tomber entre les mains des généraux putschistes d'Alger en avril 1961. Cette bombe, devenue enfin opérationnelle, est devenue aussi un instrument politique et diplomatique pour le chef de l'État. La France accédait au club très fermé des puissances nucléaires et pouvait y faire entendre sa voix. Et résolue à infléchir les relations Est-Ouest, elle ne tardera pas à prendre ses distances avec l'OTAN. C'est donc en 1960 que la première bombe A est expérimentée. Mais il s'agit d'une bombe atomique classique. Les autres, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'URSS, ont franchi un pas supplémentaire, un pas de géant. Ces trois nations ont déjà percé les secrets du thermonucléaire et leurs armées sont dotées de bombes H. Des armes d'une puissance terrifiante. La plus grosse bombe H jamais expérimentée par l'homme était 4000 fois plus puissante que la bombe A qui a détruit Hiroshima. Après le tir de cette première bombe A, on pense donc que les savants français vont sans tarder s'atteler à la conception et à la fabrication d'un engin thermonucléaire. Américains, soviétiques et britanniques n'ont mis que quelques années pour passer d'une technologie à l'autre. Mais, curieusement, les chercheurs français traînent. Et à l'Élysée, le général de Gaulle s'impatiente bientôt. Il tapera même du poing sur la table. Alors, pourquoi ce retard ? C'est l'une des questions auxquelles M. X se propose de répondre, mais il en est une autre, encore plus passionnante. Quel a été le rôle des hommes de l'ombre dans cette affaire ? Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Dès le début, il était clair que pour le général de Gaulle, la bombe A n'était qu'une étape. Oui, il voulait la bombe H, quoi. Naturellement, puisque les autres en étaient pourvus. Si la France veut tenir son rang, elle doit donc accéder au thermonucléaire, et le plus vite possible. Pardonnez-moi mon ignorance, mais... est-ce qu'on passe automatiquement d'une technologie à l'autre ? Non, je ne suis pas un scientifique, mais je vais essayer de vous expliquer quand même. Les bombes A sont des bombes à fission. Le principe, c'est que dans ces armes, on casse des atomes d'uranium ou de plutonium, et c'est cette opération qui produit l'énergie atomique. Et cela fait fort longtemps, en fait, depuis les travaux d'Einstein, qu'on connaît ce principe. Encore fallait-il l'expérimenter. Vous avez raison. Et dès 1945, la pléiade de physiciens internationaux qui travaillaient dans le plus grand secret à Los Alamos ont résolu la question. Ensuite, les améliorations à apporter relevaient surtout des ingénieurs. Mais le thermonucléaire, c'est tout à fait autre chose. C'est la fusion, c'est ça, hein? Oui, la fusion d'une masse d'hydrogène, c'est-à-dire la transformation d'atomes légers en atomes plus lourds. Cette fusion produit donc une température incroyable, des dizaines de millions de degrés. Oui, mais comment provoquer cette fusion ? C'est le problème. Et ce sont une fois de plus les Américains qui ont trouvé. Ils ont eu l'idée d'utiliser une bombe à fission. Une bombe à fission, donc une bombe A. Oui, une bombe A qui va servir en quelque sorte d'amorce en chauffant cette masse d'hydrogène et en enclenchant une réaction de fusion. Et c'est ça la théorie. Ouais. Nos physiciens la connaissaient, la théorie ? Bien entendu, mais ça ne suffisait pas. La mise au point de la bombe H nécessitait de nombreuses études et des calculs très compliqués dans des domaines que nos savants n'avaient pas encore abordés. Enfin bref, il existait un saut théorique que nous ne maîtrisions pas. Vous avez dit qu'il existait une volonté politique très forte. À l'Élysée, hein, incontestablement. Ouais. Ouais. Ça veut dire que cette volonté d'aboutir, là, n'était pas partagée ? Oui, à la tête des armées, il y avait des généraux qui ne voulaient pas aller plus loin que la bombe A. Pas de bombe H ? C'est ça. Ouais. Mais pour quelle raison ? Trop cher, trop long, et puis les généraux avaient peur que les recherches se fassent au détriment des armes classiques. Bref, ils n'y croyaient pas. Ils voulaient surtout ne rien céder de leurs prérogatives et de leur petit capital. Mais c'était du poujadisme militaire, en somme. Oui, enfin, c'est une façon amusante de voir les choses. En doute, pas mal de ces grands chefs préféraient que nous restions sous le parapluie nucléaire américain. Ouais. Les atlantistes. Oui, ça faisait des années que ces généraux collaboraient étroitement avec leurs collègues de l'OTAN. Ils n'avaient pas envie de changer, mais je dois dire aussi que cette façon de penser était partagée par de nombreux hommes politiques proches du pouvoir. Et on leur doit une partie du retard que nous avons pris dans ce domaine thermonucléaire. Ça veut dire alors que le général avait... il avait des difficultés à se faire obéir. Ça vous étonne ? Quand on est au sommet de la pyramide, on ignore bien souvent ce qui se passe plus bas. On n'a pas toujours le temps et la possibilité de vérifier si les ordres qu'on donne sont réellement appliqués. Et sans déflorer la suite de ce récit, je peux d'ores et déjà vous dire qu'il faudra que le général de Gaulle pique une véritable colère pour que ça change. Ouais. Je crois souvenir aussi qu'au Parlement, le pouvoir a dû faire face à une vigoureuse opposition. Exact, jusque dans les rangs gaullistes. Et la loi de programmation militaire qui devait décider de l'avenir de la force de frappe n'a été adoptée que grâce à l'utilisation du fameux article 49.3. Ouais, un passage en force. Alors. Oui. Alors, revenons à la bombache. La semaine passée, vous m'avez longuement parlé de l'hostilité des États-Unis. Qui ne voulait pas entendre parler de la bombe atomique française J'imagine que la décision de construire une bombache n'a pas dû les satisfaire non plus. Ah, c'est évident, et le nouveau président américain John Fitzgerald Kennedy va encore être plus résolu que son prédécesseur Ike Eisenhower. Ouais, résolu, c'est-à-dire hostile. Bien sûr. Ouais. Mais cette hostilité, ça se manifeste comment? Très tôt, c'est-à-dire quelques mois après son élection, JFK avertit le général de Gaulle qu'il ne l'aidera en aucune manière à construire sa force de frappe. Ouais. Mais attendez, est-ce que le président français était demandeur? Il a bien dit que le général voulait que la bomba soit française, uniquement française. Il doit donc en être de même pour la bombache. En principe, oui. Mais c'est certain, la France ne dédaignerait pas un petit coup de pouce, à condition bien sûr de ne pas avoir l'air de mendier. Mm-hmm. Que cette aide demeure discrète, j'imagine. C'est l'évidence. Et de Gaulle pense au précédent anglais. Les États-Unis ont procédé ainsi avec l'autre grand allié de l'OTAN, la Grande-Bretagne. Alors, pourquoi notre pays devrait-il être moins bien traité? Ouais. Mais Kennedy refuse. Oui, mais avec un argument qui révulse de Gaulle. JFK lui dit à peu près ceci: si nous vous aidons, nous ne pourrons pas refuser d'aider aussi les Allemands. Or, nous ne voulons pas que l'Allemagne possède l'arme nucléaire. Ouais, à cause du passé. Naturellement. Mmh. Et qu'est-ce qui révulse de Gaulle dans ce discours? Ça signifie que Kennedy met sur le même pied la France et l'Allemagne. Ouais. Un vainqueur et un vaincu, un allié et un ancien ennemi. Et cela, le général ne peut pas le supporter. Ouais, alors, ses rapports avec Kennedy commencent donc très mal, mais cette histoire allemande n'est-elle pas d'abord un prétexte? Vous avez raison. Kennedy a inventé ça pour dire non au général, c'est clair. Toutefois, la position américaine va évoluer. Mais pour quelle raison? À cause de Cuba. Cuba, qui est toujours une épine plantée dans la chair américaine. JFK a subi un grave échec personnel avec la désastreuse opération de la baie des cochons, mais il est toujours décidé à en finir avec Fidel Castro, et nous, Français, pouvons lui être utiles. Mais que pouvons-nous faire à Cuba? Notre service de renseignement dispose de très bonnes sources d'informations là-bas. Oui, d'agents, vous voulez dire? Oui, n'oubliez pas que la France n'a pas rompu ses relations diplomatiques avec Cuba. Il est donc plus facile d'y implanter des agents. C'est ça, oui. Et l'idée d'un troc se dessine peu à peu. Ouais, attendez. Des informations sur la bombache contre des renseignements sur Cuba? Exactement. Des renseignements qui permettraient à la CIA de monter une nouvelle opération de déstabilisation contre Castro. Et le SDEC va effectivement passer un véritable marché avec la CIA. Alors, si vous pouvez me le dire, quels sont les termes exacts du marché? Les Américains ne peuvent pas nous livrer leur propre secret nucléaire, puisque le président Kennedy vient de le refuser au général de Gaulle. Par contre, ils ont une autre possibilité: nous informer sur les recherches soviétiques. Ouais, c'est parfaitement hypocrite. Là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et ce marché va-t-il être respecté? Eh bien, beaucoup d'informations sur cette affaire demeurent secrètes. Et bon, je ne suis pas en mesure de tout vous révéler, mais d'après ce que j'ai pu apprendre, je crois que le SDEC a en effet beaucoup aidé la CIA à Cuba. Ouais. Et les Américains, eux, ont-ils tenu leurs promesses? Pas vraiment. Nous avons donc été trompés. Oui, c'est ce que je pense, en effet, mais un événement encore lié à Cuba va changer provisoirement la donne. Oui, je vois ce que vous voulez dire, ça doit être la crise des fusées de Cuba, ouais. Oui, car il ne faut aucun doute que ce sont nos agents à Cuba qui ont été les premiers à fournir des renseignements sur ces missiles. L'information transmise à la CIA. Aussitôt, oui. Et lorsque la crise va éclater, de Gaulle, vous le savez, va se placer résolument dans le camp occidental aux côtés du président Kennedy. Et est-ce qu'il en espère une reconnaissance? C'est normal, non? La France peut enfin espérer une aide décisive des États-Unis dans le domaine thermonucléaire, mais l'affaire va se traduire par une nouvelle désillusion. Rendez-vous avec X. Vincent Jauvert est journaliste au Nouvel Observateur. L'an passé, il a publié au Seuil un livre riche en anecdotes et en révélations, L'Amérique contre De Gaulle. J'en extrais ce passage qui confirme les déclarations de M. X sur l'existence d'un marché passé entre la CIA et le SDEC. Le chef de poste français à Washington s'appelle alors Philippe de Vaujoly. Philippe de Vaujoly rapporte à son patron dans une lettre: « Lors de la dernière liaison à Paris que j'ai effectuée au mois de décembre dernier, le général Grossin m'a indiqué que le général de Gaulle lui avait donné l'ordre d'obtenir des renseignements scientifiques. C'est pourquoi il m'a donné pour instruction d'obtenir de la CIA, en échange des renseignements sur Cuba, tous les renseignements possibles sur les fabrications atomiques soviétiques. Jovert poursuit. Pour obtenir le maximum de renseignements sur la bombe, Paris est même prêt à collaborer plus intimement encore avec la CIA sur Cuba, jusqu'à créer une structure du SDEC dans l'île au service de l'agence américaine. Côté américain, on dit oui très vite, dès janvier 1962, à la proposition française. Philippe de Vaujoly écrit à son patron. J'ai obtenu que les Américains nous fassent des propositions officielles pour l'ouverture d'un poste du SDEC à La Havane et pour différentes opérations dont ils offraient le financement. Il ajoute, satisfait. En échange, M. McCone, c'est le directeur de la CIA, m'a donné son accord personnel pour me fournir toutes les informations que son service possède sur les fabrications soviétiques dans le domaine des engins thermonucléaires et des vecteurs. Mais, d'après M. X, si les Français ont effectivement rempli leur contrat, il semble qu'il n'en ait pas été de même pour les Américains. Vous avez parlé d'une nouvelle désillusion à propos de la crise des fusées de Cuba. En effet, pour affronter cette crise, au moins diplomatiquement, Kennedy a besoin de resserrer les rangs dans le camp occidental, et pour obtenir un appui franc et massif du général de Gaulle, le président américain est prêt à faire des concessions. Au sujet de la bombe? Oui. Et ça provoque des grincements de dents dans son entourage, parce qu'il existe à la Maison-Blanche un clan très hostile aux Français en général et à de Gaulle en particulier. Un clan influent? Très influent, oui. Alors que s'est-il passé exactement, ça je ne sais pas, mais le fait est que le général de Gaulle ne sera jamais informé du revirement de la position de Kennedy. Ouais. Ça veut dire que quelqu'un, dans le dos du président américain, a joué contre lui? Oui, j'en suis persuadé. Et l'émissaire que Kennedy a envoyé à Paris a omis de dire au général que la Maison-Blanche était désormais résolu à aider la France dans le domaine nucléaire. Et ce qui n'a pas empêché, il faut bien le rappeler, de Gaulle de se placer loyalement aux côtés des États-Unis dans cette crise. Oui, encore une occasion de perdue. Mais nos relations avec les Américains ont toujours été émaillées d'incompréhensions, de malentendus. N'empêche, enfin, que Kennedy, un peu plus tard, aurait pu informer Paris qu'il avait changé d'avis. Hein. Peut-être. Enfin, que voulez-vous, la crise était passée. Ouais, et Kennedy n'avait plus besoin du général, c'est ça? Oui, enfin, je le pense. Alors pourquoi aider la France à construire une force de frappe thermonucléaire que les Américains s'obstinaient à considérer comme inutile, sinon dangereuse? En tout cas, le général de Gaulle s'est senti bien mal récompensé et il n'a pas tardé à en tirer les conséquences. Mais enfin, que pouvait-il faire? D'abord, il a carrément ordonné au SDEC, notre service de renseignement, donc, de mettre tout en œuvre pour recueillir le maximum d'informations scientifiques sur les recherches américaines en matière de thermonucléaire. De l'espionnage. Tout à fait. Mais le général n'en reste pas là. Il se venge à sa manière en opposant son veto à l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun. Mais c'est pas une mesure dirigée contre les États-Unis, ça? Si, si, ce sont les Américains qui sont visés au premier chef. Pourquoi? Eh bien parce que le général justifie ainsi son refus. Accepter l'entrée des Britanniques dans le marché commun, c'est faire entrer le loup américain dans la bergerie européenne. Pour lui, les Anglais sont donc complètement assujettis aux Américains. Exactement. C'est la guerre, non? La guerre diplomatique, oui. À partir de là, le général de Gaulle ne ratera plus une occasion de se dresser contre Washington. D'autant que Johnson, qui prend la succession de Kennedy en 1963, ne brillera pas par sa francophilie. C'est si vrai que les deux présidents n'arriveront jamais à se mettre d'accord pour organiser entre eux une rencontre officielle. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin du mandat de Johnson, en 1968, ils ne se verront pas. C'est cela. Il faut dire à la décharge de Johnson que de Gaulle ne rate pas une occasion non plus d'asticoter la Maison-Blanche. La reconnaissance de la Chine, la politique américaine au Vietnam, tout est bon pour s'opposer aux États-Unis. Mais bientôt, il y aura le divorce avec l'OTAN. Mais revenons à la bombe H. Hein. Est-ce que la recherche française progresse? Très lentement. D'abord, je vous l'ai dit, malgré les ordres de l'Élysée, le gouvernement et les autorités militaires traînent des pieds. Leur priorité, c'est d'abord de rendre la bombe A opérationnelle. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais on met le paquet sur les vecteurs. Les Mirages? Les Mirages 4, oui, mais aussi les missiles. Et on parle aussi de la mise en chantier d'un sous-marin nucléaire. Et tout ça coûte très cher, et les militaires préfèrent au fond se contenter d'une bombe A améliorée plutôt que d'une bombe H qui n'arrive toujours pas à voir le jour. Et puis, une nouvelle fois, nos rapports difficiles avec les États-Unis ralentissent les recherches sur le thermonucléaire. Encore? Encore, oui. Enfin, je vous explique. La bombe doit être française, a dit de Gaulle. Oui, ce qui n'empêche pas nos agents d'espionner les Américains. Bien sûr, mais enfin, ça c'est de bonne guerre. Et l'opinion française est tenue dans l'ignorance, donc les apparences sont sauves. Mais il est un domaine où nous dépendons entièrement des États-Unis. Quel domaine? Les ordinateurs. La France n'est pas encore capable de construire des machines suffisamment puissantes pour effectuer les calculs nécessaires à la conception d'une bombe H. Il faut donc acheter des ordinateurs américains, des ordinateurs IBM, entre autres. Mais ce sont des machines civiles, donc je ne vois pas pourquoi elles devraient être soumises à l'embargo américain sur la technologie nucléaire. En principe, oui. Mais à Washington, on sait très bien que les puissants ordinateurs que nous commandons à IBM ou à Control Data servent en réalité à nos recherches sur la bombe H. Ouais. Et la tentation est grande d'interdire l'exportation en France de ces machines. Bien entendu. Et c'est ce qui se passe. Au milieu des années 60, je crois, Washington rappelle solennellement qu'aucune licence d'exportation ne peut être autorisée pour des ordinateurs susceptibles d'être utilisés par des puissances étrangères qui veulent se doter de l'arme thermonucléaire. Bah, c'est principalement la France qui est visée, là. Ça me paraît très clair. Ouais. Alors, sans ces ordinateurs, que peuvent faire nos savants ? Tricher. Tricher ? Oui, c'est-à-dire avant que nous soyons capables nous-mêmes de construire des ordinateurs puissants. Le fameux plan calcul, c'est oui, ça ? Oui, c'est ça, oui, oui. Donc avant de disposer de ces ordinateurs français, on va contourner l'embargo américain. Oui, d'accord, mais comment ? Oh, de la façon la plus simple qui soit. On commande des ordinateurs, mais on prétend qu'ils ne serviront qu'à des tâches civiles, au CEA par exemple. Ouais, le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique. Qui travaille en priorité sur le nucléaire civil, c'est-à-dire les centrales. Oui. Bien sûr, dès que ces ordinateurs sont arrivés en France, ils sont en fait affectés au laboratoire où on met au point la bombage, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, les labos de la DAM, la direction des applications militaires. Mais c'est pas un peu gros, ça, parce que les Américains ne pouvaient pas être dupes, enfin, pas trop longtemps. Vous avez parfaitement raison. Ils se sont assez rapidement aperçus que nous les avions roulés. Ils disposaient d'assez d'agents dans notre pays pour être très vite renseignés, mais il y a les grands principes et puis la réalité. Que voulez-vous dire, là ? Ben, les grands principes, c'était du ressort des autorités américaines, et la réalité, ben, c'était le business. Les firmes IBM ou Control Data, il ne faut pas l'oublier, avaient besoin de vendre leurs ordinateurs. Donc si je comprends bien, les Américains ont quelque part fermé les yeux. Oui, ça j'en suis persuadé. Même si officiellement, ils ont protesté et nous ont menacé à nouveau d'embargo, mais enfin ça c'est normal, ils ne pouvaient pas perdre la face. En tout cas, c'est la guéguerre qui continuait. Et tous les coups étaient permis. Tous les coups. Vous avez des exemples ? Peut-être vous en souvenez-vous. Hein. En 1965... un grave incident se produit et nous brouille un peu plus avec les Américains. Aucun souvenir. Et ça me rappelle un peu ce qui vient de se produire en mer de Chine assez récemment. L'interception de l'avion espion américain à la part des chasseurs chinois. Oui, oui, mais heureusement, en 1965, cet incident n'a pas entraîné de mort d'homme. Je vous résume ça à grands traits. Ouais. Un avion de reconnaissance américain est surpris en train de survoler Pierre Latte. L'usine de Pierre Latte. Oui, un endroit particulièrement sensible, puisque c'est là que l'on va produire l'uranium enrichi nécessaire à la construction de la bombe H. Et que se passe-t-il alors ? Un chasseur français décolle aussitôt. Ouais, pour l'intercepter, lui demander d'atterrir. En fait, le pilote français se contente d'identifier l'avion qui rebouche chemin et retourne se poser sur une base US en Allemagne fédérale. Mais Paris exploite aussitôt l'incident et accuse Washington de se livrer à des manœuvres d'espionnage aérien au-dessus de zones interdites. Ouais. Et votre avis, y avait-il vraiment eu tentative d'espionnage ? Ça me paraît vraisemblable. Enfin, peu importe. L'incident est pain béni pour De Gaulle qui déjà affûte ses arguments afin de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. L'historien Jean-Damien Pau. Dans un livre récent dont je vous ai parlé la semaine passée, « Les moyens de la puissance », publié aux éditions Ellipse, raconte dans le détail les manœuvres françaises pour contourner l'embargo américain sur les ordinateurs. Mais je reviens une seconde fois à l'ouvrage de Vincent Jouvert, « L'Amérique contre De Gaulle ». Le journaliste du Nouvel Observateur explique pourquoi les Américains ont d'abord fermé les yeux sur les ruses françaises. À Washington, on a désespérément besoin d'argent frais et particulièrement de commandes françaises. Depuis le début de l'année, De Gaulle fait trembler le dollar. Il exige que les montagnes de billets verts accumulés par la France depuis plusieurs années soient converties en or, comme il en a le droit, selon les accords internationaux en vigueur. Ce faisant, le général, que la presse américaine surnomme Goldfinger, depuis la sortie d'un nouveau James Bond, Goldfinger, veut prouver que le système monétaire international fondé sur le dollar est à la fois injuste et très fragile. Il veut le retour de l'étalon or aboli en 1931. En cette fin d'année 1965, le comité américain sur la balance des paiements adresse des rapports alarmistes au président Johnson. Il y explique que la réserve d'or de Fort Knox fond comme neige au soleil, et que la moitié de ses pertes est due à la France. Et voilà donc, selon Jouvert, pourquoi les Américains ont d'abord faim de ne pas savoir à quoi servaient leurs puissants ordinateurs. Toutefois, fin 1965, en pleine campagne présidentielle française, les États-Unis confirmeront leur veto ils seront, du même coup, accusés d'ingérence dans la politique française et d'impérialisme nucléaire. Toutefois, malgré nos petites ruses, il faut bien reconnaître que les travaux pour concevoir et construire la bombe H ne progressent guère. Et le général de Gaulle, de plus en plus exaspéré par ses lenteurs, pousse un vrai coup de gueule. Une colère jupitérienne. Oui, c'est à peu près ça. Et le général a de bonnes raisons pour se fâcher. Les Chinois ont procédé en octobre 64 à l'expérimentation de leur première bombe A, une bombe à l'uranium enrichi, ce qui signifie pour les spécialistes qu'ils mettront peu de temps avant de construire leur première bombe H. Avant la France, peut-être ? Exactement. Et cette idée mine le général pour qui il est inconcevable que notre pays soit rattrapé par les Chinois. Oui, parce que les Chinois sont encore considérés comme faisant partie du tiers-monde. Oui. Ouais. Et pourtant, la vérité oblige à dire qu'ils seront effectivement plus rapides que les Français. C'est juste. Dès le mois de juin 67, ils font exploser leur bombe H. Il y avait une autre raison qui faisait que de Gaulle était pressé. À tort ou à raison, il pensait que si la bombe H ne se faisait pas sous son règne, elle ne se ferait jamais. Pourquoi ce pessimisme ? Le général n'avait pas oublié qu'il avait dû batailler dur pour faire adopter le programme nucléaire par le Parlement. Or, les adversaires de la bombe française étaient toujours là. Ils ne se privaient pas de dire que tout ça nous coûtait les yeux de la tête. Ouais, bref, pour eux, la France n'avait pas les moyens financiers de se donner la bombe H. Oui, car nos expérimentations avaient maintenant lieu dans le Pacifique, à Mururoa. C'était encore plus onéreux qu'au Sahara, et les tirs se succédaient sans qu'on note de progrès notable. Par conséquent, de Gaulle était fondé à penser que son départ du pouvoir sonnerait le glas de nos recherches en matière de thermonucléaire, car son successeur ne serait pas de taille à imposer la bombe H à une opinion hostile. D'accord, mais concrètement, que peut faire le général ? Il suffit pas de se mettre en colère ? Oui, vous avez raison. Un savant ne se laisse pas houspiller comme un adjudant-chef à qui il suffit de donner des ordres pour qu'il avance sous la mitraille avec ses hommes. Et pourtant, il va trancher dans le vif. De quelle façon ? Il exige de son ministre de la Recherche, c'était alors Alain Perfit, qu'il procède à une véritable réorganisation de la DAM. Oui, la direction des applications militaires. Oui. Alors des hommes sont limogés, d'autres sont nommés, la DAM va désormais travailler sous pression. De Gaulle veut sa bombe pour 1968 et non 1970, comme les savants l'avaient prévu. Mais encore une fois, le progrès scientifique, ça ne se décrète pas. Et nos savants butaient sur un sacré problème. Je vous l'ai dit, il connaissait bien sûr le principe de la bombe H, c'est-à-dire la fusion thermonucléaire, et il savait également que cette fusion devait être amorcée par une bombe à fission. Oui, rappelons, une bombe à, hein. Oui. Alors la première idée qui venait à l'esprit, c'était de mettre du deutérium, c'est de l'hydrogène lourd, dans la bombe à fission. Mais ça ne marchait pas. En tout cas, ça produisait un très mauvais rendement. Et on était très loin des mégatonnes produites par les bombes H déjà expérimentées par les autres puissances nucléaires. Oui, vous m'avez l'air très savant. Il faut dire qu'avant de venir, j'ai révisé. Non, je plaisante. Mais j'ai toujours été fasciné par ce domaine. Professionnellement ? Dans les services, nous avons souvent été amenés à nous intéresser à ces questions. Et d'ailleurs, vous allez voir très bientôt que les agents secrets vont jouer un rôle décisif dans cette affaire de la bombe H. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Je résume. Ce que nos savants devaient résoudre, c'était d'abord la question de l'architecture de l'arme. L'architecture ? Oui, c'est-à-dire les places respectives du deutérium et de la bombe à fission dans l'engin. Et je ne peux pas ici entrer dans les détails, mais enfin, sachez que la solution, c'était une construction à deux étages. C'était un pas dans la bonne direction, mais ça ne suffisait peut-être pas encore. Et qu'est-ce qui manquait, là ? Il fallait résoudre une autre difficulté, la compression du deutérium contenu dans l'étage H de la bombe. Et c'est un jeune ingénieur, Pierre Carayol, qui a trouvé. En gros, il a eu l'idée d'utiliser les rayons X émis par la bombe à fission pour comprimer l'étage supérieur. C'est-à-dire l'hydrogène. Et du lithium, le combustible qui doit fusionner. Ouais. Alors l'affaire était résolue ? Non. Non, parce qu'on n'a pas encore retenu l'idée de Carayol. Et certains chercheurs, je n'invente rien, je l'ai lu très récemment, ont trouvé cette solution exotique. Et en vertu de ce prétendu exotisme, ils ont continué à chercher dans des directions qui ne pouvaient mener qu'à des impasses. Heureusement, les espions sont venus à leur secours. Ah, les espions, les enfin, nous, oui, je vous donne la version officielle. Une version qui n'a été connue qu'au milieu des années 90. C'est vous dire si le secret était bien gardé. Ouais, presque 30 ans de secret. Oui, à peu près. Ouais. Alors voici ce qui s'est passé en réalité. En 1967, lors d'une réception diplomatique, un savant anglais, Sir William Cooke, aborde notre attaché militaire à Londres, le général Toulouse. Les deux hommes en viennent à parler du programme thermonucléaire français. Un programme qui est en panne puisque nous n'avons toujours pas de bombe H. Ouais. Un peu étrange, cette conversation de salon. Hein. Ah, tout à fait étrange, car bientôt, Cook, qui a travaillé à la confection de la bombe anglaise, laisse entendre que nos savants font fausse route. Ouais, il est donc parfaitement renseigné. Incontestablement, mais il ne faut pas vous étonner. Nos amis anglo-saxons suivaient de très près nos travaux. Mais encore de l'espionnage. Bien sûr. Toutes nos expérimentations dans le Pacifique faisaient l'objet de prélèvements aériens par des avions espions. Enfin, je reviens à mon savant britannique. Il dit aussi au général Toulouse que nos scientifiques devraient chercher quelque chose de plus simple, beaucoup plus simple. C'est un peu sibyllin, hein, ça. C'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, Toulouse est intrigué et il fait son devoir en alertant la dame. Ouais. L'information donnée par Cook est quand même assez vague. D'accord. Enfin, l'essentiel, c'est cette prise de contact. Ouais, une prise de contact prometteuse. Oui. Et on demande à Toulouse de revoir Cook au plus tôt. On lui donne aussi une liste de questions à poser au savant britannique. Mmh. Les services secrets sont informés ? Naturellement. Il pourrait s'agir d'une manipulation. Donc la deuxième prise de contact n'échappe pas à nos services, c'est évident. Ouais. Et comment ça se passe alors? Très bien, Cook coopère à merveille. C'est-à-dire qu'il répond aux questions là? Oui, mmh. Et le plus extraordinaire, c'est que lorsque les gens de la dame dépouillent ce questionnaire ultra-secret, ils s'aperçoivent que Cook valide l'idée de Pierre Carayol. C'est la solution. Le truc que cherche depuis si longtemps tout l'état-major de la direction des applications militaires. Ouais. Une solution qui avait pourtant exotique, hein, qui avait pourtant été écartée. Et oui, et oui. À partir de là, vous pensez bien que tout va aller très vite. Et c'est en août 68 que sera tirée la première bombe H française pour la grande satisfaction du général de Gaulle. Il quittera le pouvoir, rappelons-le, quelques mois plus tard. Ouais. Le général a-t-il été mis au courant du rôle joué par ce savant britannique? Le contraire m'étonnerait. Ouais. Il reste quand même une question. Pourquoi cet homme a-t-il décidé d'aider la France à construire sa bombe H? C'est en effet une très bonne question. Parce que cet homme a trahi les secrets nucléaires de son pays. Bah oui. Alors la première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'il était francophile. Très francophile pour prendre de tels risques. Oui, et c'est très surprenant. Alors bien évidemment, la vérité est ailleurs. Ce savant qui était peut-être du reste sincèrement francophile a agi sur ordre. Mais sur ordre de qui là? De son gouvernement. Il a sans doute été chaperonné par les services secrets britanniques. Oui, mais quel était l'objectif poursuivi par Londres dans cette affaire? Ben, leur entrée dans l'Europe. Le marché commun? Eh oui. De Gaulle leur avait déjà claqué une fois la porte au nez, mais ils ne désespéraient pas de réussir un jour à entrer. Et ils ont trouvé ce moyen pour enfin faire fléchir le général. Les secrets de la bombage contre notre ticket d'entrée dans le marché commun? Eh oui. Ouais. Pourtant, le Royaume-Uni devrait attendre combien? 5 ans, hein? C'est juste, oui. Ouais. Enfin, ces choses-là ne se font pas en quelques mois. En tout cas, je vous l'affirme, c'est cette affaire qui a tout déclenché. Confirmation. D'après André Benjebar, auteur d'une histoire secrète de la bombe atomique française, publiée au Cherche Midi en novembre 2000, c'est dès 1963 que les Britanniques ont proposé à la France un accord sur le marché commun en échange d'une coopération nucléaire. Je le cite. Les Anglais étaient disposés à s'accommoder des récriminations américaines, si on les accusait de trahir le secret, à prendre une distance critique vis-à-vis de l'OTAN, à séparer toute cloison entre les ministères de la Défense des deux pays. Le soir de ce 18 juillet 1963, à l'ambassade de France, le ministre anglais fut encore plus net. Il proposait à la France un arrangement global. Ne pouvait-on concevoir un package deal suivant lequel la Grande-Bretagne apporterait à la France ses connaissances en matière nucléaire? Une réforme de l'OTAN pourrait être réalisée dans le sens de nos désirs. Une coordination serait établie entre nos deux forces de frappe. En 1963, l'offre britannique n'avait pas abouti. De Gaulle n'y croyait pas vraiment. Mais quand Harold Wilson vint aux affaires, les Britanniques proposèrent à nouveau leur package deal. Et cette fois-ci, les choses allaient marcher. En 1967, De Gaulle n'avait plus les mêmes atouts en main qu'en 1963. Il fallut composer. Enfin, je vous signale que vous pourrez trouver de nombreux détails sur l'histoire de la bombe H sur le site internet d'un grand savant français, Pierre Billot. À samedi prochain, vous pouvez nous retrouver sur franceinter.com et vous pouvez y retrouver en particulier toutes les références bibliographiques et l'adresse internet de Pierre Billot.